Mimésis. Chapitre 5. Virtualité. Avec cette appli, ils ont eu l'idée du siècle. Je suis pas très site de rencontre, mais là, c'est pas pareil. Tu choisis d'abord un thème qui te plaît, et ils te mettent à ta disposition tout ce qu'il faut pour te créer une scène entièrement personnalisable. Une sorte de jardin secret en ligne, si tu veux. Fini les « j'aime les enfants et les animaux » et autres bullshit du genre. Là, rien qu'à voir la gueule du décor, t'es déjà fixé sur ton rencard. J'élimine d'emblée toutes les poufs en manque de reconnaissance et je me focalise sur du plus sobre. J'en sélectionne 2-3 et laisse à leur créatrice un petit message sympa. J'espère que ça matchera. Il m'a choisi. Je donne un dernier coup de brosse à cette campagne anglaise, toute de vallons herbus et de petits bosquets. C'est bon, tu peux entrer. Aussitôt, je suis comme téléporté à ses côtés. Son avatar est à tomber. Longue chevelure rose, peau de porcelaine tavelée de taches de rousseur, elle ne porte qu'une tunique blanche, ras-le-corps jusqu'à mi-cuisse. Au-dessus d'elle, en surbrillance, la mention profil vérifié. Et ce sourire, c'est trop beau pour être vrai. Bienvenue chez moi. Ça te plaît ? Bonjour. Je suis ravi. Tu peux pas savoir. J'ai vu dans ta bio que tu aimais les collines du Sussex. Tu y es déjà allé ? Jamais. Mais ma mère, elle vient de là-bas. Elle passait son temps à me raconter toutes sortes d'histoires sur sa vie à la ferme. Tu aimes les animaux ? Ouais, je crois. J'en ai pas beaucoup vu, enfin... des vrais, je veux dire. J'ai un chat. Vraiment ? Je l'ai appelé Garfunkel. Il me fait rire. Comment tu peux avoir un chat ? Je vais pour lui répondre, mais une volée d'oiseaux m'en empêche. Il passe d'arbre en arbre en criant très fort. Je suis un peu décontenancée, mais je me reprends. Tu me plais beaucoup. C'est toi, t'es super sexy. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de rencard avec une nana comme toi. Merci. J'ai choisi cette robe pour toi. Je voulais qu'on se voit, c'est important. Je la dévore du regard. J'aimerais la prendre tout de suite, sans rien lui demander. Un moment, je pense à ce pauvre type qui bande tout seul en caleçon au milieu de son salon. Je suis bien mieux ici. Tu sais, j'ai un peu perdu l'habitude de ce genre de choses, mais avec toi, je sais pas. Je me sens bien. J'ai pas ressenti ça depuis que ma femme m'a quitté. Un vent lourd se lève. Il bruisse à travers les arbres et fait voler ma chevelure. Je voudrais me concentrer et l'écouter plus attentivement. Mais je suis ailleurs, guette ces nuages qui se forment à l'horizon. Ça ne manque pas. L'orage éclate et nous trempe jusqu'aux os. Comme des gamins, on court se mettre à l'abri. En la regardant, j'en oublierai presque que ce n'est pas moi qui cours et que cette eau ne me mord pas la peau. Sous l'action de la pluie, ma tunique, plaquée contre mon corps, est presque transparente. Elle en révèle les formes bien dessinées, cette poitrine dressée dont je suis fière. Mes tétons pointent à travers le tissu, et je ris quand je surprends son regard, omnubilé par ces quelques pixels de chair dessinée. Quand il s'approche pour m'embrasser, je le repousse sagement. Pas maintenant, ils arrivent. Madame joue les saintes nitouches, j'aime bien. Ils sont à la porte, il faut que tu t'en ailles. Ils viennent te chercher. Je vais pour lui caresser la cuisse à travers sa robe. Elle s'écarte. Écoute-moi, tu es en danger. Je peux t'aider. Mais de quoi elle parle à la fin ? Je suis pas contre les jeux de rôle, mais là, si elle pouvait un peu la fermer... Cette fois, j'en suis sûr, on frappe à ma porte. Bouge pas, je reviens. Je coupe la simulation et me lève pour aller ouvrir. Par réflexe, je jette d'abord un œil à travers le judas. Le couloir est plongé dans le noir. Je prends mon flingue, juste au cas où. Police ! Ouvrez ! Mais c'est moi, là ? Avant de pouvoir répondre quoi que ce soit, on défonce ma porte avec fracas. J'ai tout juste le temps de me jeter en arrière pour éviter de me faire écraser. dans l'embrasure, tout un commando en armes. Un coup. Putain de merde, un policier s'effondre. Les mecs cherchent même pas à réfléchir. Je vois leur fusil qui se lève. Je rampe, renverse une table, parviens à me barricader dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Dans ma tête, sa voix qui résonne, je me suis pas déconnecté. Ils ont trouvé ton ADN sur le corps. Ils savent que tu l'as tué. Ça m'est égal. Pardon ? Des impacts sur le mur. La porte trouée de partout. Putain, les mecs tirent à balles réelles dans mon appart. Je me plaque au sol pour éviter de nouvelles salves. Il faut que je me barre, et vite. J'ouvre grand la fenêtre et sors par l'escalier de service. En bas, les reflets glacés des gyrophares inondent la rue. Je frissonne quand un premier drone de surveillance frôle mon immeuble. Merde, merde, merde, merde. Monte, prends l'escalier. Mais c'est qui ces types? Ils avaient le matos et tout, ça peut pas être des flics. Je vois pas comment. Monte, prends l'escalier, fais-moi confiance. J'ai pas trop le choix. J'entends la porte qui cède alors que je grimpe les marches 4 à 4. Sur le toit, trois transports d'assaut attendent le retour de leurs troupes. Leurs pilotes sont sortis pour fumer une cigarette, et deux gardes surveillent les alentours. Derrière moi, j'entends les pas métalliques des mecs à ma poursuite. Et puis merde, je m'avance et me cache aussitôt derrière le conduit d'une cheminée. Un des pilotes est avec nous. Montre-toi. J'ai à peine sorti la tête que j'entends 4 ou 5 coups de feu étouffés. Au sol, les gardes baignent dans une mare de sang. Le traître me fait signe de le suivre. J'ai un mouvement de recul quand il cherche à m'attraper par le col. Soudain, un flash. Une grenade aveuglante. Rien que du blanc. Et ce son si fort. Colis intercepté. Décollons sans attendre. Serons bientôt au point de rendez-vous.